Salut, David LP pour Radio Urban Kif. On va se faire ensemble une interview aux vérités avec Jezo pour son projet Mise au Point. Projet que vous pouvez télécharger, choper sur le www.radio-urbankif.com. Et tout de suite, je laisse la parole à Jezo. C'est l'interview vérité, je suis venu me livrer en vérité, David LP. Je suis venu me délivrer. Parce que le rap est une musique populaire, MC vient dire ta vérité, va rechercher la popularité. C'est l'interview vérité, je suis venu me livrer en vérité, David LP. Je suis venu me délivrer. Parce que le rap est une musique populaire, MC vient dire ta vérité, va rechercher la popularité. Jezo, tout d'abord, pour commencer, tu dis que ce projet n'aurait jamais dû sortir. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Ok, bon alors je vais vous dire. Bonjour à tous, ici Jezo, j'ai déjà fait mes trips solo. Je voulais me consacrer à mon crew et à l'album avec Flo. Rimeur d'élite, y'a que ça de vrai. Les projets tout autour ne sont que des futilités. Ok, ouais, mais pourquoi tu l'as sorti alors? Si je l'ai sorti, c'est que le peu rap part en couille. J'ai peur qu'il coule, alors je tire mes dernières douilles. Je veux faire réagir. Par le biais de cette interview, je viens rapper ce que j'ai à dire et dire que le reste je m'en fous. Tu veux que je te dise, frère? Nous on s'en tape du top, mais trop de gens considèrent que le hip-hop était une mode. Que le hip-hop était une mode. C'est l'interview vérité, je suis venu me livrer en vérité, David LP. Je suis venu me délivrer. Parce que le rap est une musique populaire, MC vient dire ta vérité, va rechercher la popularité. C'est l'interview vérité, je suis venu me livrer en vérité, David LP. Je suis venu me délivrer. Parce que le rap est une musique populaire, MC vient dire ta vérité, va rechercher la popularité. Mais qu'est-ce que tu reproches à ce nouveau rap? Ce que je reproche, c'est des textes qui sonnent faux sur des musiques bien trop techno. Moi quand je me livre, c'est jamais à demi-mot. Regarde mon cœur s'effondrer tel une rangée de dominos. Tu reproches au MC de passer des musiques électro? Mais c'est pas tout. Je reproche à Skyrock de passer du rap qui vend, qui ternit son image et qui l'emporte au gré du vent. Yeah. Je reproche au MC de vouloir faire de la monnaie plutôt de raconter le quotidien de nos refrains. C'est ça notre âme, notre âme. C'est ça notre art, notre âme. C'est ça nos armes, nos armes. C'est ça notre âme, notre âme. Et aussi y'a trop de rappeurs qui se la pètent. Pas de carrière mais n'ont rien fait et se prennent pour des starlets. Mais j'ai confiance, confiance. Mais j'ai confiance. Moi je prends un rap vrai, lourd et conscient. C'est l'interview vérité, je suis venu me livrer en vérité, David LP. Je suis venu me délivrer. Parce que le rap est une musique populaire, MC vient dire ta vérité, va rechercher la popularité. C'est l'interview vérité, je suis venu me livrer en vérité, David LP. Je suis venu me délivrer. Parce que le rap est une musique populaire, MC vient dire ta vérité, va rechercher la popularité. As-tu un conseil pour la nouvelle génération de MC? Qu'est-ce que tu peux leur dire, leur conseiller? L'écriture. Parce que c'est le principe du rap, il faut écrire des textes profonds pour que notre art soit durable. Après j'ai pas de conseils, moi je suis pas le messie. J'ai juste un petit kicker de l'ombre qui tente d'être un bon MC. Mais lâchez le vocodeur, laissez place au naturel. Un flow hardcore et des bons bacs, moi je pense que saturé. David tu sais, les meilleurs restent dans l'ombre, qu'est-ce tu veux? C'est dans le noir que les étoiles brillent de mille feux. Il faut que je te dise que le vrai hip-hop est underground. C'est nos propos et pas le succès qui feront de nous des grands. À ce qui paraît tout est fermé, verrouillé peut-être. Mais on ouvrira des portes, au pire on passera par les fenêtres. Et s'ils veulent nous voir les mains en l'air, on lèvera nos poings. Salut à tous, c'était Tolone pour la mise au point. C'est l'interview vérité, je suis venu me livrer en vérité, David LP. Je suis venu me délivrer. Parce que le rap est une musique populaire, MC vient dire ta vérité, va rechercher la popularité. C'est l'interview vérité, je suis venu me livrer en vérité, David LP. Je suis venu me délivrer. Parce que le rap est une musique populaire, MC vient dire ta vérité, va rechercher la popularité. C'est l'interview vérité, je suis venu me livrer en vérité, David LP. Je suis venu me délivrer. Parce que le rap est une musique populaire, MC vient dire ta vérité, va rechercher la popularité. C'est l'interview vérité, je suis venu me livrer en vérité, David LP. Je suis venu me délivrer. Parce que le rap est une musique populaire, MC vient dire ta vérité, va rechercher la popularité. Salut à toi et merci Jesu pour cette interview vérité sur le fond du hip-hop, sur l'image que tu veux donner, l'image que doit avoir le hip-hop. Je rappelle que cette interview vérité est un extrait du projet Mise au Point que vous pouvez retrouver bien évidemment sur Radio Urban Kiff. Merci Jesu. Quoi que tu puisses penser, j'ai répondu en toute sincérité.